C'est pute, moi je fais pas le sport. Jamais. Mais je fais la diff, un plus racane, la veine t'adore. Et je présenterai aucune excuse, de toute façon je me souviens pas d'hier. Hein? Je pourrais sucer 200 russes pour un Birkin en lanière. Toc toc, boum boum, fin équipe, big job. Toc toc, boum boum, t'as pas le temps de faire un TikTok. Ouais, j'ai c'est le S, mais le S à la N, personne l'aime. Il leur met dans le cul, V2V comme des AUQ. Régale les pupus, laisse des vues, assez grosses de pu. Quand t'as plus de prière, un 45, c'est mieux qu'une sécu. Paris, la nuit, mon grand, c'est plus comme avant. Y'a des filles qui s'appellent F avec des pommes d'Adam. Tellement je les choque, je regarde plus leur son, moi j'ai choc. Même Macron, il peut rien faire, comment tu veux que je change les choses? J'suis pas du genre à diriger, j'fais tout tomber, j'suis Pierre Richard. J'galérais avant d'être richeux, trop temps perdu comme dirigeur. J'rappe, ça fait plus de 10 pigeux, j'connais des gens qu'on percé. Et toi qu'on rien fait, et des frérots qu'on fait plus 10 guichets, qui sont revenus avec 10 guichta, qui soit ou kipsta. Gros popo comptoir, on est tous au pistache. Des fois c'est bien, des fois ça part en couille, ça se bat. Et y'a les pulls qui se lâchent, y'a les putes qui se taillent. Ça me croit, ça me dit oh Jules, y'a plus de planète rap, y'a plus de freestyle. Marseille comme shoot star, dans la caisse y'a une sale équipe. J'dans sur du funky avec la famille et les kids. Et si j't'incule, on équipe, te chauffe pas parce que j'suis gentleman. Les bâtards, j'les vois de loin avec le troisième œil Artenchinan. Hein, j'parle plus quand j'ai la haine, elles me font mal mes cicatrices. J'suis là pour guérir tes peines, I am un psychiatra. J'me soucie pas du lendemain, j'suis plutôt carpe diem. J'ai compris que j'avais percé quand sur Facebook j'avais tempé diem. J'ai pas changé depuis la cause tout RTN. Pas là pour blaguer, j'suis venu tout prendre comme la PN. J'suis nerveux, quand je déboule ça pète comme un 85. J'suis en train de danser sur le ring comme Pras Nassim, j'mets que des fins. Dis mon dit qui vivra verra, ils ont vécu, ils ont rien vu. Chelou comme une convoque à 8h, gros ça sent la garde à vue. Y'a que du chaud, le terrain de chez moi c'est signalé d'Ouna part. Comme dirait Jules, dis-moi qui veut ma part, elle peut pondre dans la part. Qui souhaite ma mort, mini mini mètre, tu veux la guerre frérot, t'as même pas de 9 mm. Certains voudront t'aider, pour après te la mettre. On m'a dit fais pas le premier pas, tu vas marcher des kilomètres. L'ancien qui m'a dit ça, on avait même les pieds usés. Faut être usé, pas de ceux qui peuvent péter le million avec la fusée. Midi minuit faut des gros billets, dans ce game on est des milliers. Du nord au sud on s'est multiplié, on pue la rue et ça depuis minot. Oh, mauvais garçon dans la ville, mauvais garçon dans la ville. Que des mauvais garçons dans la ville, mauvais garçons dans la ville. J'ai dit mauvais garçon. Nord, sud, braco, asso, ciao. On passe par le tunnel comme El Chapo. Morsure, croco, quartier nord, poteau. On brasse la tunnel à pas de macro. Proxo, ciao, la dose dans le hall. On endosse des sales rôles. Système, ras-le-bol, la mystème, pas de bol. Gary, OG, attitude OG. J'fais le signe OG, logique, KO. Tu maîtrises la traîtrise, tu fais des lignes Tetris. C'est très triste, en crise, ta femme elle t'a dit ciao. Chawa, c'est ton noir, Kawa, H2R, Kawa, Froum Froum, t'as ton miroir, ciao. À Paname, ça monte des commandos comme à l'ancienne. C'est pas pareil, ça se fait discret quand y'a trop d'oseille. Ferrara, François Bess, Jack Mess, Marseille, Criara, y'a là, j'mets dur à la thèse. Opinel 12 dans le Selwyn, surarmé dans les rest break. Depuis micro, t'as pas la ref, moisir le terrain, campiter les temtem. À barre blanche, le poteau il bombarde la zip. Y'a beaucoup de fric, donc le sac on le zip bien. Les trois élastiques, les poteaux ils piquent. Son auto on la vide, violent j'arrive c'est souvent les mêmes. On casse tout comme une descente, c'est la dictature. L'œil partout comme Jules César. Tu veux mon buzz, trésor, bah tiens ma bite très chère. Demoiselle j'vide mes poches, c'est ça ma vie de pêcheur. C'est nous les gros poissons, on leur fournit les cailloux. On leur fournit le caillou, pas de taille pour faire tous nos bails. Oublie pas t'es un paillot, j'suis un vaillant connu dans la cahier. Avance, trace et paillet, tu as paillot. Reprends 2-3 pailles et demain j'suis en cahier. J'suis un DZ, je fais pas le RIC, un 4 heures pour la vérif. J'suis un ancien, je fais juste le LL et pas le temps pour la mérite. Un an serein, seul le Seigneur me terrifie. 13-0, on se voit tous locos, fils de pute, en vérifie. Midi, minuit, faut des gros billets. Dans ce game, on est des milliers. Du nord au sud, on s'est multiplié. On pue la rue et ça depuis minot. Mauvais garçon dans la ville, mauvais garçon dans la ville. Que des mauvais garçons dans la ville, mauvais garçons dans la ville. J'ai dit mauvais garçon. J'suis dans Calvis comme Zidane, pas les cheveux lisses sans zenden. Tête de frisbee sur le zipman, du nord au sud c'est le même den. Ceux qui lèvent sur le tum-tum, le fer près du rectum. Mettre la frousse dans le secteur, nique sa grammaire l'inspecteur. Alors que tu t'en fasses couta, tu veux du rap écouta. Sur la mienne toi tu goûtais, et l'autre les couilles tu bouffas. Le syndrome du roufa, ça c'est pour les bouffons. Vélo toc dans le futal, une dans le genou c'est brutal. Et au final main, elle carbure au calme. Quand ça apprend que le fiston règle les histoires salement. Et ça se mêle même plus de son cul, mais de celui des autres. Ça met le pif dans la cesse, ça fourre son pif dans la sauce. Yeah, ok, on va monter même en bas de l'échelle. Ouais, on voit l'échec, on s'en bat les steaks, j'suis dans le Dell. T'as dû serrer quand t'avais un khel, chanter dans le vel. Les psychiatres, tu connais le Dell. Je fume le jaune, j'prends des cartons rouges. Ma CB est noire, mais ma quicheta reste arc-en-ciel. J'ai fait des clones, mais rien ne bouge. Un calibre 12, quand je rappe, j'les envoie au ciel. Pourquoi tu me mis à la ennemi? Fais pas blé ennemi, tu m'as vu, je suis parti du sol. Je veux bonheur, mais le monde est stone. Pour ça que je picole, je mets du stone, j'arrache la boussole. Mauvaise humeur comme FAHAR, c'est soit la DHR ou soit une peine de prison à deux chiffres. J'ai pas changé, j'aime toujours pas les BDH et les balances, ils méritent pas une balle mais une grosse gifle. C'est Alonso, poto, tu sais que j'alimente, tu es un sale môme, qu'on mord dans le sang. Je suis pas dans les normes mais dans les temps, putain serre les dents, je suis un John Lennon. Ok.